suis abonné. Abonné. J'suis abonné. Abonné. Elle veut pas un bandit. Ouais. Papa, prends-moi à tuer. Écoute le cri de Mowgli. Ouais. La hesse m'a appris à muer. Ouais. On se revoit dans quelques Loki. Le passé, le présent sur la Pookie. Du futur, je te fais un croquis. Les putains hués. On va chercher seul. On redétaille seul. Qui nique l'armateur. On prend le monde seul. La porte est entrouverte. On glisse le majeur. Quelques billets dans les tripes. Ça y est, j'ai compris le flit. Mon ange a pleuré parce que j'ai péché. Je voudrais lui dire que j'aimerais tous les aimer. Mais qu'au final, ces bâtards me feraient saigner. Je fais le tour du renté, je reviens en poché. Nacha vous parle au cul de mon terre. Ou pense voter comme poteau vert. Je me refais le portrait en vert. Je pose la mi-fo avant commentaire. Une flamme, j'allume tout. Moi je suis dans la merde, j'sais pas pour vous. Une femme, deux femmes, trois femmes, tout est le corps. Une fois, deux fois, trois fois, tout pour le club. J'ai une drôle de vision entre vautour et hyène. Tu peux te faire oublier, mais tu garderas tes péchés comme un hyène. On les pèse, on pèse pas, notre fatwa c'est loca. Loco, loco, loco, loco, j'vois la pomme, tu la croques. Tu raques la note son, c'est du crack, crack. Aga, aga, aga, aga. On t'a baba, on te braque et tu craques, craques. Mon ami Pierrot, je te hackle ta plume. Dans un froid polaire, au clair de la lune. Macha vous parle au cul de mon terre. Ou pense voter comme poteau vert. Je me refais le portrait en vert. Je pose la mi-fo avant commentaire. Abonne.